Je tiens à dire que tous ces projets de développement, aucun projet de développement n'appartient à la Banque mondiale. Et évidemment, ce n'est pas à l'AMI non plus. C'est les projets de nos pays. Ce sont nos populations, nos citoyens, nos frères et sœurs qui vont rembourser les prêts de la banque. Donc, en fait, une fois que l'argent est sorti de la banque, ça n'appartient plus à la Banque mondiale. C'est à nous, journalistes, d'expliquer, aider nos populations à mieux accepter, gérer et profiter de ces projets. C'est pour ça que AMI s'implique en insistant sur la nécessité d'augmenter le contenu des médias, qu'on insiste sur cet aspect de développement. Pas pour le plaisir de qui que ce soit, c'est tout simplement parce que nos populations en ont besoin. Si nous arrivons, si la presse peut contribuer, n'est-ce pas, aux solutions des problèmes de nos villes, c'est une bonne chose pour tout le monde. Si la presse peut contribuer à une meilleure gestion de l'agriculture chez nous, c'est aussi une bonne chose. Donc en fait, AMI cherche à modifier le rôle que la presse joue en Afrique. Et puis la Banque mondiale, il faut qu'on arrive à situer la banque là où elle doit rester. La banque prête de l'argent qui appartient à nos pays, parce que nos pays doivent rembourser cet argent. Il faut qu'on utilise cet argent, n'est-ce pas, pour des fins utiles.